Wish City, le grand opéra du palais. Nous avions été placés dans une loge à quelques mètres de celle du grand dirigeant. Mila était assise derrière son père et à côté de Rosencraft. J'aurais tout donné pour le remplacer. Et le public s'amassait dans le grand opéra près de la scène où le grand Maniki Maniki allait donner son plus beau concert. Je me sens pas bien, Squeak. T'es malade ? Non, pas ça. Il y a quelque chose qui est pas bien, là. Je me sens pas bien. Ouais, moi aussi. Nous nous sommes regardés. Nous n'avions pas le temps de voir le concert. Booz m'a tapé sur l'épaule. Comme un au revoir. Nous nous sommes levés. Où allez-vous, Mia ? Je... Ma fille a toujours la bougeotte. Le spectacle va commencer. Tu ne vas pas partir maintenant. Enlevez votre main de mon bras, Rosencraft. Alors restez à côté de moi. Votre père l'a dit. Le spectacle va bientôt commencer. Le palais, le centre de surveillance militaire. Vas-y, c'est là, c'est cette fréquence. Mais non, c'est là, je te dis. Chut, le concert commence. Putain, restez ici alors que tout le monde fait la fête, la nuit des masses. Putain, ça me cave, hein. Gary 25C, ici le centre de surveillance. Je viens au check-in. RAS, tout est OK ici. Gary 89E, ici le centre de surveillance. Je viens au check-in. Gary 89E, me recevez-vous? Merde, il y a silence radio. Ah bah t'inquiète pas, le fichier radio est sûrement parti pisser. Allez, écoute le concert. Vous voulez encore partir, Mia? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas écouter le concert tranquille. Écoutez comme c'est beau. Je dois juste aller aux toilettes. Je peux vous accompagner si vous voulez. Non, vraiment non, Rosencraft. Je vous remercie. Mon père, je vous prie de m'excuser, mais c'est un besoin urgent. Eh bien, fais dans un coin, ma fille, mais ne me dérange pas, j'écoute. Oh là là, c'est trop beau, j'en pleurerai presque. Je vous laisse quelques minutes. Mia, je... Excusez-moi, Rosencraft, mais je dois y aller. Nous marchions dans un couloir du palais, longeant le grand opéra, vous et moi. Iral est attaqué. Comment le savions-nous? Comment pouvions-nous sentir que c'était à ce moment précis qu'ils allaient lancer l'offensive? Squeak! Booz! Attendez-moi! C'est bien! Nous nous sommes arrêtés. Ils vont attaquer, n'est-ce pas? Oui. Adieu, Mila. Je viens avec vous. Quoi? Je viens avec vous! Non, Mila, on en a déjà parlé. Je veux pas que tu... Toute ma vie, des gens ont décidé pour moi de ce que je devais faire ou pas. Avec quelle cuillère je devais manger, avec quel papier je devais m'essuyer, avec quel maquillage je devais me maquiller. Toute ma vie, on m'a empêché de faire des choses. Il ne s'agit pas que de ma vie. Il s'agit aussi de ma vie. J'ai le droit de décider de ce que je veux faire de ma vie. Et de décider de la perdre aussi. Squeak a raison, ça risque d'être hardcore. Mais depuis quand tu parles comme ça, toi? Je sais pas, mais ça me vient comme ça, des fois. Si ça rate, et que vous y passez tous les deux, je vais m'en vouloir au moins 2 minutes avant de me faire avaler par un rat. Là, au moins, je sais que j'aurai tout tenté si je viens avec vous. Elle a pas tort. Squeak, ce n'est pas une demande. C'est comme ça, je viens avec vous. Bon. Mais fais attention, je pourrais pas m'occuper de toi et te défendre en cas de problème. Je saurais très bien me défendre toute seule. Galerie 78U, nord-ouest de Wish City. T'as écaille, j'en ai marre de faire des rondes dans ce coin désert. Hein? Tu sens pas quelque chose? Ah si, tu crois que c'est un rat qui est juste derrière nous? Possible. Alors on est mort, non? Bah, possible aussi. Qui se retourne le premier? Bah, j'y vais. Allez hop! Wish City, le centre de surveillance militaire. Galerie 89U, répondez! Galerie 89U, recevez-vous! Grand général, officier Pouic au rapport! Alors? Une dizaine de galeries à l'ouest ne répondent plus, grand général! Ce qui veut dire, officier? Ce qui veut dire, grand général, si vous me permettez l'expression, qu'on est dans la merde, grand général! Les rats ont lancé l'attaque. Allez-y, mes rats, bouffez, grognez, claquez les dents, griffez, mordez, arrachez. Aujourd'hui, gratis, race gratis. Bah, il faut y...